Le nettoyage est terminé. Veuillez continuer l'écoute du morceau musical suivant. Le fonctionnement de votre lecteur de disque compact sera amélioré si vous utilisez régulièrement ce disque de nettoyage.